En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers conviviaux, et selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 13e épisode. Vendredi 4 avril. La mère n'arrête pas d'aller et de venir, de passer la tête par la porte, de guetter son petit docteur. Elle me fatigue. C'est toujours comme ça. On dirait qu'elle attend le bon Dieu. Comme je suis malheureuse. Je sais qu'elle ne va pas me laisser parler. Elle est bien trop préoccupée de ses affaires. Et là, mon Dieu, j'ai mal par-ci. Et là, mon Dieu, je souffre par-là. Elle n'arrête pas. Et sa douleur au cœur, et ses jambes qui gonflent, et le sommeil qui vient pas. Dans le temps, il n'y avait pas de médecin appelé. Quand on a pris la ferme ici, il y avait celui de la vallée. Mais c'était la guerre. Il faisait sa tournée à vélo. Il se serait pas déplacé à tout bout de champ comme aujourd'hui. Elle l'aurait jamais appelé pour des prunes. D'abord, ça coûtait des sous, hein. Et puis elle était dure, tandis qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on est remboursé. Elle hésite plus. Elle n'arrête pas de se lever et de se rasseoir. Elle m'agace. Et je peux rien dire. De toute manière, il n'y a pas moyen d'avoir le dernier mot, ni même le premier, vu qu'elle a toujours raison. Et si j'insiste, elle se met à geindre. « Comme t'es méchant, Marcel !» Et à pleurnicher. Ça m'assomme encore plus. Surtout quand elle se met à faire ça devant tout le monde. C'est ça que je ne supporte pas chez elle. Que j'ai jamais supporté. C'est toujours elle qui souffre. Les autres, ils souffrent jamais. Et si elle souffre pas, on n'a pas le droit de souffrir. Et quand il y a du monde, elle est toujours à plaindre. Elle souffre. Elle est malheureuse. Et je la comprends pas. Forcément, les autres me regardent de travers. Ou alors ils me disputent carrément. Si jamais une des filles vient nous faire visite un dimanche... Je sais que je vais y avoir droit. Marcel m'a fait ci, Marcel m'a fait ça. Comme je suis malheureuse. Oh là, mon Dieu, c'est impossible de souffrir ainsi. Je me souviens qu'une fois, elle avait fait ça au médecin. Au début qu'il était là. Moi, je voulais pas qu'elle l'appelle à tout bout de champ. C'était pour une bêtise encore. Elle a demandé à la petite qui vient faire le ménage d'aller y dire de venir. Et dès qu'il est arrivé, elle y a dit que j'étais méchant, que je voulais pas qu'elle l'appelle, et que ça m'était comme égal si elle souffrait ou non. Et lui, il n'avait rien dit. Il l'avait fait passer dans la chambre, il avait fait se déshabiller, se coucher nu, et attendre un peu pour prendre sa température. Et puis, il était ressorti et il s'était assis à la table. Et puis, il m'avait regardé. C'est difficile, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de me voir, demandez à Madame Leblanc en passant. Elle vous dira à quelle heure vous pouvez venir pour qu'on soit tranquille. Alors quand ça m'a pris, je suis allé le voir. Et j'ai raconté ce qui n'allait pas. Que je digérais pas bien, que ça me brûlait des fois en prenant mon café, et que j'avais l'estomac tout de suite plein dès que j'avais mangé la moindre chose. Alors que dans le temps, j'avais un sacré coup de fourchette. Et puis il m'a fait des examens. Et puis il m'a fait opérer. Et quand j'ai demandé au chirurgien ce que c'était, il m'a répondu « un genre d'ulcère ». Et j'ai compris tout de suite, je suis pas stupide. Quand la mère y est allée y demander, il a dit la même chose. Et dans un sens, c'était bien, parce que si elle avait su, elle m'aurait fait une vie pas possible. Elle aurait ameuté tout le quartier, le fils, et surtout les filles. Ça n'aurait pas arrêté de défiler. J'entendais ça d'ici. Venez donc voir le père avant qu'il ne s'en aille. Oh là, mon Dieu, c'était pas possible, comme je suis malheureuse. Moi, je me sentais mourant. Ensuite, le docteur avait dit qu'on avait pris ça tôt et qu'à mon âge, on avait toutes les chances de guérir. Et c'est pas le genre à raconter des histoires. Et d'ailleurs, il avait raison, puisque ça fait 6 ou 7 ans maintenant que ça n'a jamais repris. Oh là, mon Dieu, c'est impossible, comme je suis malheureuse. Jadis, je me serais sans doute adressé au curé, mais je ne crois plus en Dieu depuis bien longtemps. Madame Leblanc m'a beaucoup parlé de vous. Elle vous fait confiance, et j'ai confiance en elle. Racontez-moi. Alors voilà. Juste après la guerre, j'ai épousé Raymonde. Elle était d'origine modeste comparée à ma famille, et je n'ai jamais vraiment été amoureux d'elle. Elle avait vécu un drame horrible. Son premier fiancé, Abel, était juif. Il avait été arrêté sous ses yeux par la police française et déporté. Abel était mon ami. Nous avions rencontré Raymonde ensemble dans le cinéma où elle était ouvreuse. Quand Abel a été arrêté, j'ai tout fait pour le libérer. Après la guerre, quand j'ai compris qu'il ne reviendrait pas, je me suis senti moralement obligé d'épouser Raymonde. Elle était enceinte. Et quand l'enfant est né, il n'était plus possible de lui donner le nom de son père. Alors je l'ai reconnu et élevé comme s'il s'agissait de ma propre fille. Par fidélité, comprenez-vous. C'était mon ami. Mon plus cher ami. Mon frère. Nous avons eu plusieurs filles ensuite avec ma femme et une dernière sur le tard, Blanche. À 17 ans, Blanche est tombée amoureuse d'un étudiant en médecine. Ma femme ne pouvait pas le supporter parce qu'il était d'origine modeste. Mais moi, je l'aimais bien. Je n'ai pas eu de fils. Alors, vous comprenez, j'aimais bien discuter avec lui. Il était révolté, provocateur. J'aimais qu'il me tienne tête. Et un jour, j'ai vu entrer ma femme livide. Blanche est enceinte, enceinte de ce pouilleux. Qu'allons-nous faire ? Comme ma fille voulait épouser son étudiant et que lui aussi était prêt à assumer ses responsabilités, j'ai fait comprendre à ma femme qu'ils allaient se marier et qu'il n'y avait rien à ajouter. Et alors ? Eh bien, le lendemain du mariage, alors que les jeunes venaient de partir en voyage de noces, ma femme s'est mise à hurler de rage en accusant notre gendre de traîner avec des délinquants. Elle m'a alors appris qu'elle savait qu'il avait participé à un hold-up sanglant et qu'il avait échappé de justesse à la police. Il y a 3 mois, Blanche les a entendus, lui et ses amis, préparer le hold-up. Je ne voulais pas qu'elle soit mêlée à ça, j'ai averti la police, parce que tôt ou tard, ces salopards se seraient attaqués à Blanche ou à nous. Mais ne t'inquiète pas, je ne me suis pas présentée. Et puis le lendemain, quand Blanche est arrivée en disant qu'elle était enceinte, et quand j'ai appris que le pouilleux avait échappé à la police, je me suis tue. Mais je n'aurais pas dû laisser partir ma fille avec ce petit youpin de merde. Je l'ai giflé pour la première et la dernière fois de ma vie. Je l'ai secoué par les épaules en lui demandant comment elle pouvait dire ça, comment elle avait pu faire une chose pareille, le dénoncer. Pauvre imbécile, que crois-tu que j'ai fait pour pouvoir t'épouser ? Quand j'ai compris que c'était elle qui avait dénoncé Abel, quand j'ai compris quelle femme j'avais épousée, j'ai quitté mon domicile et je me suis installé à Lange. Je ne l'ai plus jamais ni vu ni entendu. Mais avec cette histoire de hold-up, Blanche et Raymonde pouvaient tenir mon gendre éternellement à leur merci. Il deviendra interne, puis chef de clinique, il fera carrière, il gagnera beaucoup d'argent. Mais la vie est semée d'impondérables, et leur plan ne s'est pas déroulé comme prévu. 2 jours avant l'accouchement, mon gendre a été renversé par une camionnette. Commotion cérébrale, coma, réanimation. Je suis allé le voir tous les jours à l'hôpital. Raymonde et les filles, elles, n'en avaient que pour la grossesse de Blanche. Si mon gendre mourait, nul doute qu'elle trouverait un autre mari à la jeune veuve. Un gynécologue fera parfaitement l'affaire. Au bout de 12 jours, mon gendre est sorti du coma avec pour séquelles des troubles de la mémoire. Pour lui, finit la médecine. Blanche et Raymonde se retrouvaient avec un incapable, un parasite à qui personne ne pouvait rien reprocher puisque son état était accidentel. Et l'enfant ? L'enfant a fini par naître. C'était une fille qu'elles ont appelée Annie. Au début, Raymond couvait soigneusement la mère et l'enfant, et mon gendre, en rééducation, n'a pas pu voir sa fille avant plusieurs semaines. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Je suis retourné à Tourmence, j'ai exigé qu'on me confie Annie, et je l'ai amenée à son père, enfin tout de même. Et puis Annie a grandi, son père s'en est beaucoup occupé. Blanche préférait la compagnie de sa mère et de ses sœurs. Il me l'amenait régulièrement au début, mais le jour de ses 7 ans, Annie a eu le malheur de demander à sa grand-mère pourquoi je n'étais pas avec toute la famille pour fêter son anniversaire. À compter de ce jour, je n'ai plus le droit de la voir. Blanche est devenue institutrice et mon gendre s'est remis à dessiner et à peindre, conscient de son talent mais sans songer à en faire un vrai métier, jusqu'au jour où il a trouvé un boulot de dessinateur dans une usine de petits gâteaux. Quand je suis tombé malade, j'ai presque tout vendu. J'ai fait des donations à des associations d'anciens déportés, à des orphelinats. Et puis j'ai donné rendez-vous à mon gendre, à Blanche et à leur fille, dans une banque. J'ai ouvert un compte rémunéré pour Annie, avec un paquet de fric qu'elle touchera à sa majorité. C'est la dernière fois que j'ai vu Annie. Elle avait 10 ans. Alors docteur, je dois vous demander... j'ai une mission à vous confier. Quand je serai mort, je ne veux pas que ce garçon et sa fille restent entre les griffes de ces femmes. Le jour où il en aura assez et voudra partir, avec ça, il pourra le faire. Le jour où on m'enterrera, pourrez-vous poster ce paquet pour moi ? J'ai indiqué le nom et l'adresse de mon gendre. Oui. Je le ferai. Merci, docteur. Merci beaucoup. Toutes les fois qu'ils sont venus, toutes les bonnes raisons qu'ils avaient, toutes les phrases qu'ils ont dites, les pistes vraies ou fausses qu'ils ont déposées sur le plateau de bois peint, sur le lit d'examen ou sur le pas de la porte, les gestes de lassitude, d'angoisse, d'affolement, de désespoir, de ras-le-bol, de chagrin, du mal au visage. Père, mes cheveux, j'ai une verrue. Les je vois plus d'un œil. J'ai la tête qui tourne. Ce serait pas l'attention ? J'ai mal au dos. J'ai toujours soif. J'ai mal aux pieds. Ça me gêne de vous le dire, mais j'ai une douleur mal placée. Je peux plus bouger. Je saigne. J'en peux plus. J'ai un truc là, dans la bouche. Ça me fait peur. Ce doit être très pénible. Dans le temps. J'étais toucheux. Quand quelqu'un s'était chauffé sur le macadam en tombant à vélo, ou qu'un quenouille s'était brûlé en mettant la main sur la cuisinière à bois, on me l'emmenait. Et j'arrêtais le feu. Après, ça guérissait comme ça pouvait. Fallait que la nature se fasse. Mais au moins, ça brûlait plus. Alors évidemment, la mère, elle était toute fière, vu que dans le temps, il n'y avait pas de médecin à la porte. Et ça coûtait. Les gens venaient de tout le bourg, et même des bourgs autour de Play. Et je n'osais pas payer, parce que mon grand-père m'avait dit que j'avais un don, mais que si je le vendais, rien qu'une fois, je le perdrais. Mais les gens étaient contents, forcément, et ils voulaient me rendre l'appareil. Alors je disais qu'ils me donnent ce qu'ils veulent, mais pas tout de suite, plus tard, quand j'aurais oublié que je les avais vus. Et il y en a qui revenaient 6 mois plus tard, au beau jour, avec des paniers de cerises, ou avec un faisan, et qui les donnait à la mère. Et elle, forcément, elle en faisait toute une histoire. Vous avez vu ce qu'ils m'ont donné pour récompenser mon Marcel ? Il leur a rendu bien service. C'est que j'en suis fier de mon Marcel. Ah, si seulement il n'était pas si méchant avec moi, des fois... Maintenant, c'est pas des fois que je suis méchant avec elle. C'est tout le temps. À ce qu'elle raconte. Elle n'arrête pas de causer, de dire quoi ou qu'est-ce. Elle bavasse tout le temps. L'été, elle laisse la porte ouverte, elle s'assied à l'ombre, juste à l'intérieur, sur sa chaise, et dès que quelqu'un passe, elle y cause. Égare à lui s'il s'arrête. Il y en a pour l'après-midi. Elle a bien vu que petit à petit j'ai eu du mal à marcher et à tenir les choses. Et plus j'ai du mal, plus elle dit que je suis méchant. Et bien sûr, ça m'énerve. Et j'y dis de se la boucler. Et alors Vous voyez ? Ah là, mon Dieu, que je suis malheureuse. Et l'autre me regarde avec l'air de dire « C'est pas gentil, ça !» J'arrive presque plus à aller jusqu'au cabinet du docteur et elle me laisse plus y aller seule. Elle veut jamais que j'y parle seule. Et moi, je veux pas lui dire de sortir parce que après, quand on rentre, elle me casse les oreilles. Ça me fatigue. J'ai pas encore combien de temps ça va durer, tout ça. Bientôt, je pourrai plus marcher du tout. Il faudra qu'on m'envoie à l'hôpital pour mourir. Ou alors ils me mettront dans une maison de vieux. Parce que la mère, elle pourra plus m'aider à me lever, ni rien. Déjà maintenant, il faut que je l'appelle quand je suis sur les toilettes. Des fois, je peux pas me relever tout seul. Pourtant, j'ai travaillé dur et j'en ai vu d'autres. Et ça, vraiment, c'est pas une vie. Oh là, t'as vu ? Il y a un article sur spécial handicap. Oh. Ça, alors ? Oh, dis donc, c'est bien, ça. Il a du retard. Oh, mais pose-toi donc. Il avait des malades à boire. Des vrais. Oh, comme tu es méchant, Marcel. Tu sais bien que je souffre. Tu sais bien que je fais pas semblant. Ça fait si longtemps que ça dure. Et puis, tu devrais le savoir, puisque c'est toi qui me touchais avant qu'on ait notre petit docteur. Allô, Edmond ? C'est toi, Edmond ? Et puis, brusquement, on raccroche, sans même que j'ai pu dire un mot. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas appelé. Je reste un instant près du téléphone, mais elle n'appelle jamais deux fois. Je lève les yeux vers la pendule assiette. Il est 11h. C'est toujours à cette heure-ci qu'elle appelle. Elle a quelque chose d'étrange dans sa voix. À la fois fatiguée et obstinée. Comme si elle avait quelque chose d'important à lui dire à son Edmond. Comme si elle n'arrivait jamais à le joindre depuis le temps qu'elle essaie. Je décroche de nouveau le téléphone. Je compose le numéro du docteur Boulle à Demont. Ça sonne. Une fois. Deux fois. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame. Je suis bien chez le docteur Boulle. Ah, le docteur est en visite. Que puis-je faire pour vous ? Ici madame Leblanc, la secrétaire du docteur Saxe. Le docteur Boulle nous a envoyé des examens qui lui avaient été adressés par erreur. Ça nous arrive souvent à nous aussi, parce que la secrétaire du laboratoire se trompe d'adresse. On reçoit ses examens et il reçoit les nôtres. Mais là, en les glissant dans l'enveloppe, il a mis un papier à lui, un papier d'assurance. Et le docteur Saxe voulait lui dire qu'il ne faut pas qu'il le cherche, qu'il le lui glissera demain dans sa boîte aux lettres. Très bien. C'est un papier des assurances tourmentaises. Très bien, merci, je le préviendrai. Au revoir. Au revoir, madame. Je raccroche. Je mets le papier dans une enveloppe, j'écris dessus « Docteur Boulle » et je mets l'enveloppe dans le cahier de rendez-vous. Tout à l'heure, quand j'ai reçu le courrier en voyant l'en-tête du docteur Boulle, j'ai été surprise de trouver ça entre deux résultats d'examen. Ça m'étonne quand même qu'il ait mis ce papier avec, sans s'en rendre compte. Mais quand on est pressé, on ne fait pas très attention. J'allais le mettre sous enveloppe et le redonner au facteur quand il repasserait prendre le courrier affranchi, mais tu es arrivée. Tu as regardé le papier, tu l'as lu, tu as froncé les sourcils et tu as dit que tu irais le lui rendre toi-même demain matin. Pardon, j'ai laissé tomber le téléphone. Oui, bonsoir docteur, c'est le capitaine Gentil. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci chez vous, je sais que vous n'êtes pas de garde, mais il y a eu un accident, dans le virage, près du pont, encore. Une voiture qui a heurté le pylône. Des mômes encore ? Non, il n'y a qu'une victime, un homme. C'est... Je ne sais pas comment vous le dire, il est très mal en point. Le SAMU s'est déplacé, ils ont réussi à le stabiliser à peu près, mais avant qu'il l'emmène à l'hôpital, on aurait voulu que vous veniez, si ça ne vous ennuie pas. C'est quelqu'un que vous connaissez. Qui ? C'est le docteur Boulle. Oh merde. Je viens. J'ai reposé le téléphone et fait signe à mon collègue qui a poussé un soupir et secoué la tête. Je suis retourné vers le lieu de l'accident. La voiture s'était complètement enroulée autour du pylône et le pylône avait plié. Je me suis demandé pour la 30e fois à quelle vitesse il roulait. Au moins 120, c'était pas possible autrement. Apparemment, il rentrait chez lui. Comment avait-il fait pour rater ce virage? Il a dû le prendre 10 000 fois. Il connaissait cette route comme sa poche. Est-ce qu'il s'est endormi? À une heure pareille, c'est possible. Mais qu'est-ce que c'est con. J'ai senti une sueur glacée me dégouliner dans le dos. Les types du SAMU avaient l'air blasés, ça ne les émouvait pas plus que ça. Mais tous mes collègues étaient dans le même état que moi, et c'est pour ça que je t'avais appelé. Nous étions tous ces patients. Aucun d'entre nous n'avait le courage, à 3 heures du matin, d'aller annoncer à sa famille que le docteur Boulle venait d'avoir un accident. Ça finit toujours comme ça, avec une feuille à remplir par le médecin. Commune. Le docteur en médecine sous-signé certifie que la mort de la personne désignée ci-contre, survenue le temps à telle heure, est réelle et constante. Nom, prénom, âge, domicile, obstacle médico-légal à l'inhumation. Oui, non. Don du corps. Oui, non. Obligation de mise immédiate en cercueil simple. Oui, non. Accord du médecin pour la pratique éventuelle des opérations suivantes. Crémation. Oui, non. Soins de conservation du corps. Oui, non. Transport du corps avant mise en bière. Oui, non. À remplir et à clore par le médecin. Commune. Commune. Date du décès. Renseignements confidentiels et anonymes sur la cause du décès. Nature de l'évolution terminale, de la complication éventuelle de la maladie ou nature de la lésion fatale en cas d'accident ou d'autres morts violentes. Mentionnez ici, le cas échéant, le décès post-opératoire. Le décès post-opératoire. Mort consécutive à. Petit b, cause initiale. Nature de la maladie causale ou de l'accident, du suicide ou de l'homicide. Grand 2, renseignements complémentaires. État morbide ou physiologique, ou grossesse par exemple, ayant contribué à l'évolution fatale, mais non classable en grand 1 comme cause proprement dite du décès. Mentionnez ici le cas échéant, l'état mental pathologique qui a pu être à l'origine du suicide. Une autopsie a-t-elle été pratiquée? Oui, non. Signature et cachet du médecin. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt 80 ans. C'était La maladie de Saxe, de Martin Winkler. Adaptation Pauline Timonier. 13e épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe, et Albert Delpy, Christine Murillo, François Sienner, Nathalie Kuznetsov, Olivier Piloni, Christine Braconnier, Marie Daude, Flora Brunier, Florent Houlier, Elodie Hubert. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Bruitage, Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Musique originale, Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation, Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche.